Chapitre 17e. Conversation à bâton rompu. Henri Castex considérait Dutilleul avec un air rigolard. « Alors comme ça, on se fait piquer la couenne. Très drôle. Comment va le coup? Tu sais qu'une écharpe de temps à autre, à moins que... Ne me dis pas que tu as froid dans ton bureau. » Eh bien justement, si. L'administration se montre tellement parcimonieuse avec ses fonctionnaires que malgré le chauffage d'appoint, Dutilleul stoppa net puis reprit. Je parle que cet animal de Michonnier t'a fait son rapport. Sans vouloir t'offenser, Titi, tu ne passes pas inaperçu. Michonnier était heureux de te voir. Tu passais un cheveu de la convocation administrative. Moque-toi, va. Je parie que tu t'es parfaitement au courant de sa transformation. Oui, admit Castex en souriant. Nous nous sommes vus il n'y a pas 2 semaines. J'avais un contrôle et, contrairement à toi, j'honore scrupuleusement mes rendez-vous. Ôte-moi d'un doute. Je ne dois pas attendre le moindre éclaircissement de ta part au sujet de la résurrection de notre ami. Effectivement, je serai une véritable tombe sur le sujet. Je ne veux surtout pas ruiner ses effets. On dirait que cela t'amuse beaucoup de jouer les comploteurs. Beaucoup. Ne me dis pas que tu ne m'as appelé que pour cela. Pas que, mais tu risques bien de ne pas être très content. Notre ami Bellegarde écourte ses vacances. Bellegarde était le bras droit de Dutilleul. Tu n'es pas sérieux. Malheureusement, si. Rien n'y a fait. J'ai tout tenté, mais que veux-tu? Il s'emmerde. La chaleur lui tape sur le système. Et s'il ne regagne pas la capitale, il menace d'étrangler sa belle-sœur et de la découper en morceaux. Morceau qu'il prendra bien soin de semer sur le vieux port de Marseille. Il ne peut pas. Cela ferait vraiment trop mauvais genre à l'évêché. Je ne te le fais pas dire. Aussi l'ai-je autorisé à revenir lundi, même s'il regagne Paris aujourd'hui. En train ? Ironisa Dutilleul. Henri Castex le regarda d'un air navré. Tout de même pas. Marguerite prendra le TGV. Celle-ci est trop bonne. Autre chose, as-tu des nouvelles du côté de Girardin ? « Oui, mais là aussi, je ne suis pas sûr que cela te plaise. Sa formation est rallongée de 3 mois, et ensuite il enchaîne sur ses congés que tu signeras sans râler. Rencontre-t-il des difficultés ? Au contraire. De toi à moi, on nous l'envie. On lui a demandé de former 2 ou 3 recrues qui pourraient se révéler prometteuses. Tant mieux pour lui, même si je dois t'avouer qu'il me manque cruellement. Au fait, comment avance le travail de terrain ? Tu as vu la femme de ménage de la gamine ? Oui, et cela s'est plutôt bien passé. Cependant, il est très possible que je doive me rendre une nouvelle fois à Fleury, mais pas tout de suite. Ah bon ? Oui, il semblerait que notre ami, Boucharif, ait omis de faire mention d'une ou 2 petites choses. Pour l'instant, cela ne justifie pas un déplacement, mais je pense que le dossier pourrait s'étoffer. Quel est ton programme pour les prochains jours ? Je comptais rendre une petite visite au tuteur de Marion, maître Vérel. Vérel, tiens donc. Tu le connais ? Un peu. Mais je ne veux pas t'influencer. Au fait, j'ai appris que tu avais fait publier une nouvelle fois la photo de la mère. Des résultats ? Rien pour l'instant. Et je ne te cache pas que cela m'inquiète. Henri Castex retrouva instantanément tout son sérieux. La récréation était terminée. Pourquoi ? Parce que... répondit Dutilleul, non sans une certaine difficulté. « Je ne voudrais pas découvrir que Simon a raison. Il a une théorie assez effrayante. Qui est ? Il pense que peut-être la gamine n'avait pas d'existence légale. Ce qui te bouleverse. Oui, je ne peux l'envisager. As-tu vu la photo ? Malgré les années passées, on peut voir que c'était vraiment une belle gosse. Quel monstre aurait eu assez de courage ? Je comprends ton indignation et ton amertume, Titi. Mais s'il te plaît, gardons-nous de juger trop vite. Qui sait ce que nous allons découvrir derrière tout cela ? Pour l'instant, nous n'avons pas grand-chose et, malgré une mort prématurée, cette ravissante Marie n'a pas eu à trop souffrir de la situation. Bien au contraire. Abandonner une enfant, surtout de 5 ans, est une décision lourde et certainement désespérée. Comment peut-on dissimuler la naissance d'un enfant ? La chose n'était pas si difficile. Ma mère a accouché à la maison. Tu sais, dans le temps, je veux bien, mais tout de même... Non, décidément, cela ne passe pas. Je retrouverai cette mère, Henri. J'en fais le serment. Attention, Titi, Tu vas raviver des souvenirs douloureux. Les erreurs de jeunesse, ça existe. C'est facile de jeter l'anathème sur la mère, mais que fais-tu du père? C'est facile de laisser une jeune fille dans une situation embarrassante, comme on le disait à l'époque. Cependant, il me semble qu'on conçoit un enfant à deux. Alors, que s'est-il passé? Pourquoi le Roméo d'un soir s'est-il fait la malle? Est-ce qu'il s'est soucié un instant des conséquences? Tu sais comme moi que c'est très facile de semer des petits bâtards dans la nature. Les assumer, c'est autre chose. Tu as raison, soupira Dutilleul. Je sais que je vais bien trop vite en besogne. Ne te laisse pas aveugler par ton indignation, aussi légitime soit-elle. Tu vaux largement mieux que cela. Quand nous aurons le fin mot de l'histoire, alors là, oui, peut-être, sera-t-il temps de s'indigner. Du moins si nous en avons encore la force. J'ai ton feu vert, alors? Titi, cela fait maintenant très longtemps que j'ai compris qu'il était parfaitement inutile de t'interdire quoi que ce soit. Il n'existe pas pire tête de mule, et si tu pensais que mon absence prolongée m'a fait oublier cet aspect de ta personnalité, je te dis simplement que tu te gourres. Tu pourrais me faire surveiller. Oui, si j'avais du temps à perdre. Je suis à peu près sûr que je n'arriverai à rien. Je vais donc pouvoir creuser cette seconde affaire, dit Dutilleul avec satisfaction. Du moment que tu négliges pas la première. Mais là, je pense que tu possèdes l'expérience nécessaire. Merci, Henri. Tu n'avais pas vraiment besoin de mon autorisation. Je ne t'en remercie pas moins. Une dernière question, cependant. Pourquoi cette histoire te tient tant à cœur? Je ne sais pas, Henri. J'ai surtout besoin de comprendre. Au risque de te brûler toi-même. Titi, je vais être franc. Je n'aime pas cela, car après tout, que crois-tu y gagner? Une tranquillité d'esprit, peut-être. C'est là où tu te fourres le doigt dans l'œil. J'en parle par expérience. Ne crois pas que tes nuits en seront plus belles. Une enquête chasse l'autre. Hélas, et au final, rien n'apaise nos angoisses. Nous apprenons juste à vivre avec.